dans un coin de la salle, Fix, qui a tout manigancé, jubile de plaisir. Car à Calcutta, comme à Bombay et comme à Suez, le mandat d'arrestation n'est toujours pas arrivé. Mais à sa grande déception, Phileas Fogg verse une caution et obtient ainsi sa liberté. Passepartout récupère ses chaussures et suit son maître, accompagné de la jeune femme, sur le bateau en partance pour la Chine. Fix, lui, décide de continuer à les suivre. En effet, s'il trouve le mandat d'arrestation à Hong Kong, il pourra encore arrêter Phileas Fogg puisque cette ville appartient au royaume d'Angleterre. Ensuite, ils seront en pays étranger et l'arrestation deviendra sinon impossible, du moins très difficile. Passepartout, lui, est très étonné de retrouver Fix sur le bateau. Il se met à réfléchir sur le singulier hasard qui le met de nouveau sur leur route. Soudain, il a une idée. Ce détective ne peut être qu'un agent lancé sur les traces de son maître par ses collègues du Reform Club, voulant vérifier qu'il fait bien le tour du monde. Mais Passepartout décide de ne rien lui dire pour ne pas l'offenser. Au cours de la traversée, le Français croise Fix sur le pont. L'occasion lui est alors donnée de s'amuser un peu avec les nerfs du détective. Voyons, Monsieur Fix, est-ce qu'une fois arrivé à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser ? Soudain, très embarrassé, le détective répond. Mais je ne sais, peut-être que... Ah, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Vous n'alliez qu'à Bombay et nous voici bientôt en Chine. L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. La conversation terminée, Fix regagne sa cabine, inquiet. Passepartout sait maintenant qui il est, et sans doute va-t-il prévenir son maître. Le détective se promet alors de tout dire prochainement au Français. Pendant les derniers jours de la traversée, une forte tempête ralentit l'allure du paquebot, ce qui fait la joie de Fix, malgré son mal de mer. Passepartout, en revanche, est furieux. Il compte les jours et les heures. Comme à son habitude, Phileas Fogg reste impassible. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot à Hong Kong au 5 novembre. Or, avec la mauvaise mer, il n'accoste que le 6. Il a donc 24 heures de retard et le départ pour Yokohama sera certainement manqué. La chance cependant sourit au gentleman. Le bateau pour le Japon a été retenu pour des réparations et il ne prendra la mer que le lendemain. Phileas Fogg a donc le temps de partir à la recherche du parent de la jeune Aouda. Hélas, l'homme, paraît-il, est parti depuis peu vivre en Hollande. Déçue, la jeune femme demande au gentleman « Que dois-je faire, monsieur Fogg ?»« C'est très simple. » Revenir en Europe. Mais je ne puis abuser. Vous n'abusez pas, et votre présence ne gêne en rien mon programme. Puis se tournant vers Passepartout, il dit « Allez au Carnatic et retenez trois cabines. » Sur le quai d'embarquement, Passepartout rencontre le détective et devant son air sombre, il lui lance en plaisantant « Eh bien, monsieur Fix, êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique ?» Les dents serrées, Fix lui répond que oui. Passepartout éclate alors de rire et ajoute « Allons donc! Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre cabine, je dois justement réserver au bureau des transports maritimes. » Dès leur arrivée, l'employé leur annonce que les réparations du Carnatic sont finies et que le bateau partira donc ce soir même à 8 heures. Enchanté de la nouvelle, Passepartout s'écrie « Très bien, cela arrangera mon maître, je vais le prévenir. » Fix, lui, est en colère. Le mandat d'arrestation n'est toujours pas arrivé et Hong Kong est le dernier port anglais. Il doit à tout prix retenir Phileas Fogg dans cette ville. C'est donc le moment de tout révéler à Passepartout en l'invitant à se rafraîchir dans une taverne. Autour de petites tables, quelques consommateurs boivent de grands verres de bière tout en fumant de longues pipes de terre rouge bourrées de boulettes d'opium. Au fond de la pièce, d'autres clients, ivres d'alcool et de fumée, dorment sur des lits. Après plusieurs verres de porto, Passepartout se lève pour aller prévenir son maître quand Fix le retient. « J'ai à vous parler de choses sérieuses. Il s'agit de votre maître. Vous avez deviné qui je suis. Parbleu! Mais laissez-moi vous dire que ces messieurs de Londres perdent leur temps. Étonné d'une telle réponse, le détective s'exclame. Perdent leur temps? On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. Mais si je la connais, 20 000 livres. 55 000. Passepartout bondit de sa chaise. Quoi? Monsieur Fogg aurait osé? Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant. Fix force alors le jeune Français à se rasseoir et lui précise. Si je réussis, je gagne une prime de 2000 livres. En voulez-vous 500 à condition de m'aider? De vous aider? Oui. M'aider à retenir Monsieur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. Très en colère, Passepartout réplique aussitôt. Hein? Non content de faire suivre mon maître, de suspecter sa loyauté, ces messieurs du Reform Club veulent encore lui créer des obstacles? J'ai honte pour eux! Fix ne comprend plus rien. Il lance d'une voix sèche. Quels messieurs du Reform Club? Mais qui croyez-vous donc que je suis? Je suis inspecteur de police. Votre maître a volé 55 000 livres à la Banque d'Angleterre. Toute la police est à sa recherche. Passepartout reste sans voix. Il ne veut pas croire à la culpabilité de son maître. Le détective lui propose une dernière fois. Empêchez Monsieur Fogg de quitter Hong Kong. Passepartout essaie de se lever, mais l'alcool commence à faire son effet. En s'affalant sur sa chaise, il balbutie un peu ivre. Jamais. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai, mais mon maître est bon et généreux. Je ne trahirai jamais. Fix, comprenant qu'il ne réussira pas à compter sur l'aide de Passepartout, décide de l'affaiblir davantage. Il y a sur la table quelques pipes pleines d'opium. Le détective en glisse une dans la main du Français qu'il apporte à ses lèvres. Il en respire quelques bouffées et tombe dans un profond sommeil. Esquissant un sourire, Fix murmure. Maintenant j'ai gagné. Phileas Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic. Puis il sort, après avoir payé l'addition. Le lendemain matin, lorsque Phileas Fogg et la jeune Aouda arrivent sur le quai, ils n'y trouvent bien sûr ni paquebot ni Passepartout. En revanche, Fix est là et annonce au gentleman qu'il a lui aussi manqué le bateau. Impassible, Phileas Fogg réussit à trouver une goélette qui les conduira tous les trois à Shanghai. Et comme le bateau pour San Francisco passe par là avant de se rendre à Yokohama le 11 novembre, il pourra essayer de l'attraper. Toutefois, la goélette a essuyé une telle tempête qu'elle rejoint de justesse le paquebot américain à Shanghai. Mais revenons au Carnatic. Ses réparations terminées, il quitte Hong Kong comme prévu le 7 novembre à 6h30 du soir. Le lendemain matin, un homme hébété et à la démarche branlante erre sur le pont. C'est Passepartout. Voici comment il s'est retrouvé à bord. Quand Fix a quitté la taverne, deux garçons ont enlevé Passepartout profondément endormi et l'ont couché sur le lit réservé aux fumeurs. 3 heures plus tard, il sortait de la taverne en titubant et en criant sans cesse. Le Carnatic! Le Carnatic! Le paquebot larguait les amarres quand les matelots ont vu Passepartout monter à bord en chancelant, puis s'effondrer sur le pont. Voilà donc pourquoi, ce matin-là, il se retrouve sur le Carnatic, respirant à plein poumon les fraîches brises de la mer. Et c'est encore un peu étourdi qu'il part à la recherche de son maître et d'Aouda. Hélas, il apprend que ni lui ni la jeune femme ne figurent sur la liste des passagers. Il se souvient de tout. C'est de ma faute si mon maître a raté le Carnatic. Je comprends maintenant. C'est ce Fix qui m'a enivré. Et me voici en route vers le Japon sans un shilling. Le 13 novembre au matin, le Carnatic entre dans le port de Yokohama. Le pied à peine posé à terre, Passepartout tente de se faire embaucher comme domestique sur les bateaux en partance pour l'Amérique. En effet, d'après l'itinéraire, Son maître doit passer à San Francisco. Hélas, il n'essuie que des refus. Mais sur le port, un cirque s'est installé et le directeur accepte de l'engager comme clown. Cependant, à la première représentation, il fait un faux mouvement et tombe aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Oh, mon maître ! Mon maître !» Phileas Fogg lui réplique aussitôt. « Eh bien, mon garçon, au paquebot !» Souvenez-vous, Phileas Fogg et la jeune Aouda ont embarqué sur le paquebot pour San Francisco et ont fait comme prévu une halte à Yokohama. Et c'est ainsi qu'ils sont enfin réunis tous les trois sur le même bateau, direction San Francisco. D'après les calculs de Phileas Fogg, ils y seront le 3 décembre, atteindront New York le 11 et arriveront le 20 à Londres, devançant ainsi de quelques heures la date fatale du 21 décembre. Après quelques jours de traversée, Passepartout se retrouve encore nez à nez avec Fix. Il se jette aussitôt sur lui. Dans un sale état, le détective se relève enfin et lance froidement. À présent, écoutez-moi. Tant que M. Fogg était sur les territoires anglais, j'avais intérêt à le retenir en attendant un mandat d'arrestation. Maintenant, si votre maître veut rentrer en Angleterre, je l'y suivrai. Et c'est là-bas que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Après avoir écouté attentivement, Passepartout déclare : À la moindre trahison, je vous tords le cou. Le voyage se poursuit sans aucun incident, et le 3 décembre, à 7h du matin, le paquebot entre dans le port de San Francisco. Le train pour New York ne part, lui, que vers le soir, à 6h. Les premiers jours du voyage se passent sans incident, mais le 7 décembre, une centaine de Sioux attaquent et détruisent sauvagement le train. Phileas Fogg a maintenant un retard de 20 heures. Le gentleman ne se laisse pas émouvoir pour autant et monte avec ses compagnons de voyage sur un traîneau à voile qui les mène à New York. Hélas, quand ils arrivent au port, le bateau pour Liverpool en Angleterre est parti depuis 45 minutes. Sans se décourager, Phileas Fogg emprunte vite un bateau de marchandises et débarque avec ses compagnons à 5:30 le 21 décembre à Liverpool. Désormais, le gentleman n'est plus qu'à 6 heures de Londres. Soudain, en marchant sur le quai, Phileas Fogg sent une main sur son épaule. C'est celle de Fix qui lui présente aussitôt un mandat. Au nom de la reine, je vous arrête. Le gentleman est alors jeté en prison et surtout bel et bien ruiné à quelques heures du but. Mais soudain, à 2h33, des bruits résonnent. Passepartout arrive en courant avec Fix. Essoufflé, le détective balbutie. Monsieur, pardon, une ressemblance déplorable. Le voleur est arrêté depuis 3 jours. Vous êtes libre. Le gentleman s'approche alors du détective et avec une précision d'automate, lui envoie 2 coups de poing dans la figure. Phileas Fogg, Aouda et Passepartout se jettent dans une voiture et arrivent à la gare de Liverpool. Mais l'express est hélas parti depuis 35 minutes. Le gentleman commande alors un train spécial. Et quand il entre enfin en gare, toutes les horloges de Londres indiquent 9h-10. Phileas Fogg, après avoir accompli son voyage autour du monde, arrive avec un retard de 5 minutes. Ruiné, le gentleman rentre alors chez lui, sans un mot, et s'enferme dans sa chambre. Aouda et Passepartout sont très inquiets. Le lendemain, vers 7h30 du soir, Phileas Fogg demande à la jeune femme si elle peut le recevoir. il lui dit posément. Madame, me pardonnerez-vous de vous avoir emmené en Angleterre? Lorsque je vous ai proposé de vous conduire jusqu'ici, j'étais riche et je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Maintenant, je suis ruiné. Cependant, je vous demande la permission de disposer en votre faveur du peu qui me reste. Très ému, Aouda répond d'une voix fragile. Mais vous, monsieur Fogg, que deviendrez-vous? Moi, madame, je n'ai besoin de rien. Je n'ai ni parents, ni amis. À ces mots, la jeune femme se lève, tend sa main au gentleman et déclare. Voulez-vous à la fois d'une parente et d'une amie? Voulez-vous de moi pour votre femme? Phileas Fogg se lève à son tour. Pour la première fois de sa vie, une lueur brille dans ses yeux. Puis il répond. Je vous aime. Vous êtes ce qu'il y a de plus sacré au monde. Je suis tout à vous. Il sonne alors pour appeler Passepartout et lui demande d'aller prévenir le révérend de la paroisse afin de préparer le mariage pour le lendemain, lundi. Passepartout, le visage rayonnant de bonheur, sort en courant. Quand on a appris l'arrestation du vrai voleur de la banque, le pari de Phileas Fogg a été à nouveau pris au sérieux et les messieurs du Reform Club s'inquiètent. Qu'est donc devenu leur partenaire de whist? Comme convenu, le samedi 21 décembre au soir, ils attendent dans le salon du Reform Club. Il est 8h25 et les discussions vont bon train. 8h40, la tension monte. L'exactitude de Phileas Fogg est légendaire. Va-t-il apparaître à la dernière minute? . 8h44. Le silence est total. Plus qu'une minute et le pari est gagné. À la 40e seconde, rien. À la 50e, rien encore. À la 57e, la porte du salon s'ouvre et Phileas Fogg annonce d'une voix posée « Me voici, messieurs !» Oui, Phileas Fogg, en personne. Souvenez-vous qu'à 8h05 du soir, Passepartout était sorti pour prévenir le révérend du mariage de son maître. Une demi-heure plus tard, il courait dans les rues de Londres et arrivait tout essoufflé dans la chambre du gentleman. Mon maître, mariage impossible, demain !» Intrigué, Phileas Fogg l'avait alors interrogé. Et pourquoi donc? Mais parce que demain c'est dimanche. Vous vous êtes trompé d'un jour. Nous sommes arrivés 24 heures en avance. Mais il ne reste plus que 10 minutes. Le gentleman avait alors sauté dans un cab et était arrivé juste à l'heure au Reform Club, gagnant ainsi son pari de 20 000 livres. Mais comment un homme si exact avait-il pu commettre une telle erreur? C'est très simple. Phileas Fogg se dirigeant vers l'est. Les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait de degrés. Or, la Terre est partagée en 360 degrés et ces 360 degrés multipliés par 4 minutes donnent précisément 24 heures. Donc, en faisant le tour du monde de l'ouest vers l'est, Phileas Fogg avait gagné une journée. Il était donc arrivé à Liverpool le 20 décembre à midi et non pas le 21 comme il le croyait. Ainsi, 48 heures plus tard, Phileas Fogg et Aouda se marient devant un Passepartout resplendissant. Mais le lendemain, à l'aube, le domestique cogne à la porte de son maître. Impassible, comme d'habitude, le gentleman lui demande « Qu'y a-t-il, Passepartout ?»« Je viens d'apprendre que nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement. » « Sans doute, mon garçon, en ne traversant pas l'Inde. Mais si je ne l'avais pas traversée, je n'aurais pas sauvé Mademoiselle Aouda. et elle ne serait pas ma femme. Et sans autre commentaire, Phileas Fogg referme tranquillement sa porte.